Maria Teresa, quand elle s'endort. Maria Teresa, si jeune encore, ses cheveux sont des vagues tièdes, une prison d'où personne ne sort. Maria, si belle mais si cruelle encore, parquet des hauts c'est à d'or. Maria d'or, Maria d'or, parquet des hauts c'est à d'or. Maria d'or, Maria d'or. Maria Teresa, quand elle s'endort, Maria Teresa, d'accord, d'accord. Tant que je vivrai dans ton ombre, je devrai porter sur les doigts le parfum salé de tes feux de joie. Parquet des hauts, c'est ta Maria Teresa, quand elle s'endort, il y a toujours la loi du plus fort. Sur l'infini de tes eaux calmes, une bouteille va quitter le port. Adieu, Maria, hier.